cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. فنواصل بدرسنا في أحكام الصيام من هذا الكتاب النفيس الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Continue nos dros في الصيام. Et dans notre dernier dars, on a étudié ensemble متى يدخل الشهر يبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله وللعلم بدخوله ثلاث طرق هكذا قال شيخ الفوزان حفظه الله. Trois façons pour savoir si on doit jeûner أم لا. أي est-ce que شهر رمضان دخل أم لا. Donc il y a trois manières pour savoir, trois méthodes. الأولى تفضل رؤية هلاله أي هلال رمضان أي voir la lune. Le croissant de lune au départ il est très fin, à le voir. Si واحد il l'a vu ولله الحمد, c'est que le mois de رمضان il a commencé. Et si le mois de رمضان il a commencé, c'est obligatoire de faire الصيام. ما الدليل تفضل صوموا لرؤيته نعم ومن القرآن نعم فمن شهد منكم الشهر فليصومه. La deuxième manière تفضل شهد على الرؤية أعد شهد على الرؤية الشهادة على الرؤية ما معنى هذا؟ نعم يخبر الناس أنه رأى الهلال. Donc nous مثلا on n'a pas vu le hilal لكن واحد nous informe. ففي هذا الحال si c'est un musulman bien sûr un adl il n'est pas connu pour mentir il n'est pas connu pour le fusouq il a akhir فالحمد لله sa shahada elle est acceptée. من يذكر دليلا على على الأمر الثاني تفضل من نعم فقال ابن عمر رأيته نعم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال أي les gens ils ont recherché à voir le hilal وابن عمر il l'a vu فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ابن عمر رضي الله عنهما il l'avait vu et il a informé النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il a jeûné et il a ordonné tout le monde de faire الصيام. Troisième méthode تفضل إذا لا أرى أحدا الهلال الهلال الهلال نكمل لشهر بثلاثين أيام نعم إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما أي on complète le mois 30 jours. لماذا؟ Pourquoi؟ أحسنت لأن le maximum c'est 30 jours. Si on n'a pas vu à cause d'une raison ففي هذا الحال on finit le mois de Sha'ban 30. Et après le 30e jour, la chaque que ça sera le mois de Ramadan. Qu'on ait vu le hilal ou pas. Man yadhkur dalilan ala at-tariqati ath-thalitha, tafaddal. Na'am. Fa in ghumma alaykum faqduru lah. Wa fi riwaya fa'uddu 30. Ay, finissez 30 jours de Sha'ban. Donc imma ru'ya wa had il l'a vu. إما il a été informé شهادة من مسلم إما personne a informé personne a vu on finit شعبان 30 jours. Et on a étudié ensemble كذلك الخلاف المشهور la divergence qui est connue في هذا الباب est-ce que si واحد من المسلمين يبغى الهلال est-ce que ça implique que tout le monde doit faire le siyam فبعض العلماء ils ont dit نعم بعض العلماء ils ont dit لا et هذه المسألة ولله الحمد تقدمت والصحيح أن tout le monde doit jeûner صوموا لرؤيته قال صلى الله عليه وسلم وهذا c'est un amr pour جميع الأمة والعلماء أو بعض العلماء نبهوا أن pour éviter الخلاف والشقاق بين المسلمين أن كل واحد يجن avec son pays حتى الأمة تجتمع على هذه السنة في الحقيقة العلماء اختلفوا العلماء اختلفوا قديما فهذا الخلاف لا يضر إن شاء الله تعالى لكن la division ça peut faire du mal c'est pour ça que بعض أهل العلم ils ont conseillé مع أنهم ils ont choisi القول الصحيح le premier أن tout le monde doit jeûner كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كذلك الإمام الألباني رحمه الله مع هذا نصحوا أن كل واحد يجنى avec son pays حتى ça fait pas une فرقة au sein même du pays هذا الذي تقدم معنا قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على كافر ولا يصح منه فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر Ces points qu'on va lire ensemble, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui dans ce dars, ils sont importants. Et ils sont liés au hukm, ay al-wujub, an-siyam, il est obligatoire. Et ils sont liés, kadhalik, an-nas, ils ne sont pas concernés par le hukm. Les ma'adha, les an-nahum, ils ont un udhr. On va voir, hal al-marid, hal al-musafir, al-ha'id ou al-nufasa. هذا الباب il est important هذا في الحقيقة c'est pas خاص pour الصيام هكذا الصلاة الحائض الفبا الصلاة المسافر il a un حكم خاص اللي واجب عليه لكن القصر والجمع وهكذا c'est important de savoir qui est concerné par le حكم فلهذا العلماء يدتاي كثيرا ce point que ce soit في الصيام que ce soit في الحج que ce soit في الصلاة وهنا قال الشيخ الفوزان ويلزم صوم رمضان كل مسلم Mukallafin Qadir. Il a cité ces trois catégories. Al-Muslim, Al-Mukallaf ou Al-Qadir. Al-Muslim, ça fait sortir Al-Kafir. Al-Mukallaf, ça fait sortir Ghayr Al-Mukallaf. Ka Al-Tifl Al-Saghir, Kadhalik Al-Majnoun. Et Al-Qadir, ça fait sortir Al-Ajiz. Celui qui n'a pas la capacité. Fassoum, Yajibu, Ala Kulli Muslimin. بالغ عاقل طاهر قادر مقيم en une phrase on rassemble tous ceux qui sont concernés par هذا الحكم الوجوب المسلم donc le muslim c'est clair il doit faire as-siyam البالغ celui qui a atteint l'âge de la puberté garçon ou fille ça fait sortir as-saghir mais celui qui n'a pas la puberté c'est pas obligé pour lui de faire as-siyam عاقل celui qui a la raison اما المجنون فلا يجب عليه بل لا يصح لانه il a pas de niya il a pas d'intention il sait pas ce qu'il fait فهو il est pas concerné par cet ordre طاهر ça fait sortir الحائض والنفساء être pur هذا c'est pour les femmes اما la femme qui est en état de حيض او نفاس فهذه المرأة لا تصوم بل سحرام عليها أن تصوم في هذا الحال سأنتغذيك الجن في هذا الحال حتى تطهر قادر صفي سرطير العاجز il peut être مسلم عاقل بالغ أي il a toutes les conditions précédentes لكن il est عاجز هذا ça arrive pour les vieilles personnes كذلك الحامل la femme enceinte أو المرضع la femme qui allait À ce genre de cas, Robama, ils n'ont pas le qudra, ils n'ont pas la capacité. Fafi haqqihim, c'est pas wajib. Et on verra une mas'ala importante, Cheikh Al-Fawzan l'a cité, un musulman, il peut être en incapacité de jeûner fi hal, lakin, plus tard, il aura la capacité. Fahada, il ne fait pas as-siyam li'annahu, il est incapable, et quand il pourra, il rattrapera. Et un autre cas, al-ajz, ça reste toujours, comme les vieilles personnes, il ne peut plus faire siyam. Cheikh Al-Fawzan, il a cité un chapitre qu'on lira ensemble, Inch'Allah ta'ala. قال Cheikh Al-Fawzan, فلا يجب على الكافر ولا يصح منه. Donc, al-kafir, la yajib alayhi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un musulman. Il n'est pas accepté. Voilà aussi le siyam. Fal wajib alayha. Ala jami'a. Al-nas, c'est de rentrer fi dinillah. De prononcer le shahadatayn. De s'écarter du kufr. Et d'accomplir la salat, bien sûr, et de faire as-siyam. Amma as-siyam bidoun shahada sans rentrer fi l'islam, fala yassih. فلهذا الكافر son siyam il n'est pas accepté même s'il le fait. قال فإن تاب في أثناء الشهر. Si un kafir parmi les kafara يتوب إلى الله et rentre في l'islam مثلا une semaine après Ramadan ou au milieu de Ramadan ou à la fin. المهم il n'a pas commencé le mois de Ramadan avec le muslimin. لماذا؟ لأنه c'était pas un muslim. ففي هذا الحال قال صام الباقي. Il jeûne ce qui reste. L'imam Ali Annahu, c'est un musulman, il est concerné là. Si il est rentré au milieu de Ramadan, il fait siyam la dernière moitié avec le musulman. فلا ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. أما ما تقدم les deux semaines qu'il a manqué ou les années précédentes, il a pas fait siyam, ففي حقه il a pas les rattraper. Pourquoi les annahu c'était pas un muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'an al-Azim qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Si ils font tawba et se repentent et demandent pardon et rendent fidinillahi azza wa jal fa yughfar lahum ma qad salaf. Allah il leur pardonne tout ce qui s'est passé avant. Et al-hikma la wadhiha fi hadha. Et ça, c'est une ni'ma, min ni'am illahi azza wa jal. Walakin akthar an-nas la ya'lamoun. Hadha fi al-haqiqa, ça encourage tous les êtres humains à rentrer fi dinillahi azza wa jal. Lianna si il fait tawba, il n'a pas rattrapé ni la salat, ni le siyam. Il n'a pas rattrapé ces choses qu'il a manqué. Lianna rubbama yaghi al-mashaqqa, ça le repousserait. Fa min hikmati illahi azza wa jal wa rahmatihi, anna si le kafir y rentre, il n'a pas rattrapé le siyam ou le salat. Yatoub ila Allah et il fait le siyam. Et il fait salat à partir du moment que c'est devenu un musulman. Il y en a toutes les années qu'il a manqué. Il n'a pas à les rattraper. Lakin yukthir min al-nawafil. Shukran lillahi azza wa jal. La reconnaissance, c'est muhim. Yukthir min al-nawafil al-siyam wa al-salat. In istata'a, inshallah, il sera ala khayr. Wa naqala al-imam al-Nawawi rahmatullah alayhi al-ijma' ala hada. Qala رحمة الله عليه كما في المجموع لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف. Si il rentre في دين الله عز وجل, ça devient un مسلم, il n'a pas à rattraper ce qu'il a manqué, que ça soit le mois dans lequel on est, مثلا cette année un كافر il se convertit à la moitié du mois de Ramadan ou les années précédentes. هذا بلا خلاف, il n'y a aucune divergence في هذا. ولو صام في كفره لم يصح بلا خلاف. كذلك si un كافر في الصيام, et il n'est pas rentré في l'islam, il n'a pas prononcé الشهادتين, هذا لا يصح منه بلا خلاف. Son صيام il n'est pas accepté, il n'y a aucune divergence في هذا. يتعب نفسه. Et on a déjà dit هذا c'est من السفاهة. أن بعض الكفار ils font الصيام parce qu'il a, mathalan, une connaissance, un ami musulman. Dînullah, c'est une aqidah. C'est un manhaj à suivre. C'est une soumission au Rabb al-Alamin. Ce n'est pas pour suivre un ami ou أو إلى de la famille أو أبدا هذا لا يصح منه حتى يتوب إلى الله في الصيام مع المسلمين لأن الصيام لا بد له من نية. أما si tu viens à te poser la question c'est quoi la نية de certains kafara qui font الصيام est-ce que c'est لله أبدا أبدا إما c'est pour لأنه إلى un ami كما قلنا أو certaines causes. حتى النية لابد كالنية لله يبخونس شهادتي يغنط في دين الله عز وجل حتى صيام إليه أكسبتي. قال دوزيام بوان ولا يجب الصوم على صغير ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. دوزيام بوان الصغير on a dit comme condition pour que الصيام soit obligatoire c'est le boulour, la puberté. Amma al-saghir, il n'a pas atteint l'âge de la puberté, yassihu min. Lakin, il n'est pas concerné par l'obligation. Tu comprends, min hadan, s'il ne le fait pas, lâcher, allez. Lakin, s'il le fait, il a du ajr. Qala, wa yakun fi haqqihi nafila. Yawm al-qiyama, il trouvera ce ajr s'il meurt à l'islam. Ça nous montre un... On doit encourager nos enfants à faire siyam. Bien sûr, s'ils ont atteint un certain âge, ils ont qudra. Khassatan fi ayyam al-bard. Amma fi al-sayf, en été, ça peut être difficile. Lakin fi al-bard, c'est très simple, c'est très facile, fi al-haqiqa. Et on les encourage. Walaw un jour par semaine, walaw quelques jours dans le mois. Hatta cet enfant, il s'habitue et ça le fait, et ça lui fait aimer l'islam. Wa fi hadith al-rabi' بنت معوذ رضي الله عنها قالت فكلنا نصوم أي عاشورا ونصوم صبياننا. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il faisait عاشورا صيام عاشورا c'est pas Ramadan لكن ils encourageaient leurs enfants à le faire لأنه c'est 15 jours. Ça nous montre qu'on a encouragé son enfant à faire صيام c'est طيب لكن s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté c'est pas obligatoire enfin on n'a pas le droit de lui imposer. تنبيه مهم تقدم معنا أن الشرط c'est quoi la condition pour que cet enfant il soit concerné par l'obligation hein تفضل البلوغ la puberté ça c'est un شرط s'il a atteint la puberté c'est obligatoire pour lui de faire الصيام garçon ou fille. تنبيه قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه كما في الإجماع أجمعوا أي l'unanimité des savants أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض وكذلك نقل ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني عدم الخلاف. دونك العلماء أجمعوا أن البنت إذا حاضت سي une fille une jeune fille elle a ses règles elle a ses menstrues فيجب عليها الصوم. لماذا on a fait cette remarque لأن بعض الآباء والأمهات يظنون أن الوجوب سي quand la fille elle atteint un certain âge 13 ans, 14 ans, 15 ans بعضهم يظنون 16 ans أو أكثر وهذا c'est من الجهل لأن من شروط الوجوب أي les conditions pour que الصيام devienne obligatoire pour un musulman ou une muslima c'est البلوغ bien sûr avec les autres conditions. وتعلمون أن بعض البنات أحيانا ça arrive certaines filles elles ont leurs règles très très jeunes 9 ans, 10 ans, 11 ans, enfin, fait هذا الحال إذا حاضت c'est obligatoire pour elle. فالأم تنتبه لهذا لأن il y a une autre مشكلة أن بعض البنات elles cachent, elles disent pas أنهن elles ont été atteintes par الحيض et ربما ça arrive في شهر رمضان ولا تصوم. À cause de quoi? À cause de الحياة. À la honte. فالأم تنتبه لهذا. Et si elle sait que sa fille elle a eu ses menstrues al-hayy, elle lui montre un as-siyam, c'est wajib. Et هذه المسائل, il faut être clair, لأن c'est du din. قال حفظه الله ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية أما المجنون فلا يصح منه. ولو صيف الصيام c'est pas accepté لماذا لأن من شروط جميع الأعمال c'est النية إنما الأعمال بالنيات والمجنون لا pas de نية لأنه il a perdu la raison ففي حقه c'est pas واجب. Si Wahed, tu as fait une hada, il a un proche, il est mejnoun, il est malade, et malade mentalement, et c'est un adulte, et il mange sur Ramadan, il fait la chéalé. Mustafid, min hada, n'était pas obligé de lui imposer, comme il y avait al-ba'd. Non. S'il est mejnoun, tu fais le dua en Allah, et yashfih, et s'il mange, il fait la chéalé. Qala wa la yajib as-sawm ada'an ala maridin. يعجز عنه ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر المريض والمسافر on a cité les deux conditions qui c'est qui nous les répète المريض ça nous montre quelle condition pour que le siyam soit obligatoire Là, c'est un musulman, il a la raison. Lakin, il y a une autre chose. S'il est malade, il n'est pas obligé de faire siyam. C'est quelle condition ? Tfaddal ? Al-Qudra. An yakun qadiran. Si il est malade, et s'il fait siyam, ça rajoute sur sa maladie. Ou rubbama yahlak. Fa fi hadha al-hal la shak anna ce malade, il n'est pas concerné par l'obligation. تأملوا قول شيخ الفوزان ولا يجب الصوم أداء ça veut pas dire qu'il fera pas ce son لأن الصوم il y a deux catégories إما الأداء tu le fais sur tu le fais أقصد directement avec le musulmin quand le mois de Ramadan il rentre tu fais le soyab هذا c'est صوم الأداء et il y a une autre catégorie c'est القضاء أي rattraper الصيام فالمريض مثلا لا يجب الصوم عليه أداء pourquoi لأنه il a une excuse à un moment donné مثلا il est malade la première semaine de Ramadan cette première semaine elle n'est pas obligatoire pour lui ça ne veut pas dire que la semaine il ne doit pas la faire là il doit la faire لكن قضاء فإذا انتهى الشهر رمضان il doit rattraper cette semaine et كذلك شيخ الفوزان حفظه الله Il a cité ce chapitre fil qada qu'on détaillera inshallah dans des prochains durous. Wa al-musafir, c'est quel shart? N'a'am al-iqam, an yakun muqiman. Amma al-musafir, le muslim qui est en voyage, il a un udhr. Il n'est pas obligé de faire siyam. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas siyam. Là, il le rattrape. Et une autre question qu'on citera à la fin du dors, Naam, il l'a cité, est-ce que c'est mieux de faire siyam amla? Ça englobe le malade et le voyageur. Le malade, il peut jeûner. Est-ce qu'il fait siyam, c'est mieux amla? Et al-musafir, kadalik, il peut jeûner. Est-ce qu'il fait siyam amla? Ça, c'est une autre question. Amma, s'ils ne peuvent pas jeûner, il y a une mashaqqa trop grande, c'est trop difficile et ça leur fait du mal, fa fi hadha al-hal la yasumun. Faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخرى. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى il a cité les deux catégories qui sont excusées. المريض والمسافر. لكن il rattrape. Quand شهر رمضان il est fini et le malade il est plus malade ou le voyageur il est plus en voyage, ففي هذا الحال يجب القضاء. قال شيخ الفوزان والخطاب بإجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر. والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه tous ces cas تقدموا المقيم c'est le résident المسافر celui qui est en voyage الصحيح c'est celui qui n'est pas malade الطاهر c'est la femme qui est en état de pureté elle n'est pas حائض ou نفساء المغمى عليه c'est celui qui est dans le coma مثلا هذا مغمى عليه tu peux trouver un musulman Il est tombé dans le coma la dernière semaine de Ramadan. فَلَا شَكَ أَنَّهُ يَفِي بَا رَمَضَان Il est مَرِيض بَلْ Il est considéré dans ce cas أنه il n'a plus la raison مُغْمَ عَلَيْهِ لَكِن شَيْخ الْفَوْزَان الْأَنْ قَالَ الْخِطَاب بِإِجَابِ الصِّيَامِ يَشْمَلْ Ça englobe l'obligation, elle englobe tous ces cas. Ça veut dire quoi هذا Ça veut dire que si ils sont excusés, ils ne font pas siyam au moment où ils sont malades ou en voyage il a akhiri lakin al-wujub yabqa fi dhimma ça veut dire que le jour où il a plus ce udhr Et cette excuse pour ne pas jeûner, Fayasum, il rattrape. Mathalan, un musulman, il est tombé dans le coma une semaine fait Ramadan, donc il n'a pas pu faire le siyam. Fait le jour où il est guéri, il a la capacité, il rattrape la semaine. Qala, fa inna ha'ula kulluhum yajib alayhim as-sawm fi dhimamihim. Le pluriel de dhimma. Ay, al-wujub, il est toujours pour eux. Ay, il a une semaine à rattraper. Ou un jour, ou le nombre de jours qu'il a manqué. قال ليعتقد وجوبه في ذممهم والعزم على فعله. نعم. هؤلاء qui sont excusés, la chakana, ils doivent reconnaître انهم ils ont un jour à rattraper ou une semaine, et كذلك العزم على فعله. Et ils doivent avoir la ferme intention de le rattraper quand ils pourront. اما اداء واما قضاء. Non. Al-Ada, c'est pour celui qui n'a pas d'excuse. Il le fait quand c'est le mois de Ramadan. Al-Qadha, c'est celui qui a une excuse. Il ne peut pas faire à un moment donné Ramadan. Fi haqqihi, il le rattrape. L'obligation, c'est de rattraper. Amma fi Ramadan, il n'est pas concerné par l'obligation. Tant qu'il a cette excuse. Qala fa minhum man yukhatab bis-sawm fi nafs ash-shahr ada'an wa huwa sahih al-muqim illa al-ha'id wan-nufasa. Ha'oula, ils sont concernés par l'obligation, ils doivent jeûner Ramadan. Fa'idha zahar al-hilal, si le mois de Ramadan il a commencé, fa'yajib ala jami' al-muslimin, bien sûr, al-sahih ou al-muqib. Ça fait sortir le malade et le voyageur. Kadhalik al-ha'id ou al-nufasa. Léan al-ha'id ou al-nufasa, probablement cette femme, elle n'est pas malade. Et elle n'est pas en voyage. Lakin, elle a une autre excuse. C'est le haïd ou le nifas. قال ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط. Certains muslims, الصيام il est wajib عليهم, lakin من باب القضاء. لماذا لأنهم ils ont une excuse de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan ou une partie du mois de Ramadan. قال وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء. Ça fait sortir une autre catégorie. من هم؟ Je répète la phrase. المريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء. Ça fait sortir une autre catégorie. Ceux qui sont atteints de maladie à vie. نعم. المرض المزمن. أي بعض المسلمين شفاهم الله. Ils sont atteints de maladie, et cette maladie, elle est marad muzmin, comme ils disent en arabe. Aïe, la yurja lahu ash-shifa, illa ayasha Allah. Des maladies graves, et il espère pas être guéri, illa ayasha Allah. Fi hadha al-hal, c'est autre chose. Et كذلك, ce point, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il l'a cité plus tard dans le livre. Fal marid, alladhi la yaqdir ala ada as-sawm, wa yaqdir alayhi qada'an. هذا quand il est malade, فلا يصوم وإذا شفاه الله عز وجل فيقضي. S'il a manqué deux jours, une semaine, أكثر أو أقل, quand il devient صحيح, il est plus malade, فيقضي. Il rattrape. ومنهم من يخير بين الأمرين. Un autre cas, أنهم ils ont le choix. S'ils veulent faire صيام, ils font صيام, أي pendant Ramadan. Et s'ils veulent, ils le rattraperont après Ramadan. Deux cas. قال وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. المسافر, il a le choix. Même si c'est pas difficile de jeûner, même si c'est en hiver. هذا الحال, tant qu'il est considéré musafir, il a le droit de manger et boire في Ramadan. كذلك المريض الذي يمكنه الصوم, أي il est capable de jeûner. لكن il a une difficulté, لأنه il est malade. لكن c'est pas une énorme difficulté, أنه il a peur, كما قال خوف التلف. التلف c'est ربما il meurt à cause de ce صيام. لا, لكن il y a une difficulté, لكن elle est surmontable. فسي choisi de jeûner, فلا بأس. Et le musafir كذلك il a le choix. أولا, avant de détailler قليلا cette مسألة, on résume. أن si المسافر أو المريض si fait le siyam, rubbama yahlak, ou c'est très difficile, ça lui fait beaucoup de mal, fala yajuzu la. Il doit prendre ar-rukhsa. Allah lui a facilité, fala yasum. Deuxième cas, et c'est ce cas où il y a un khilaf bayna ahl al-ilm, on va lire inshallah aqwal ba'd ahl al-ilm, annahu kama qala al-shaykh al-Fawzan, il a la capacité, ça lui fait pas un énorme mal, fa fi hadha al-hal, il a le choix. La question qu'on se pose, est-ce que c'est mieux de jeûner via al-hal, al-akhd bil-azima, même si l'on voyage? Maintenant, un voyage en hiver. Et les voyages de nos jours, Obama, c'est très court, en avion, c'est très simple. Et il veut faire siyam. Est-ce que c'est mieux de faire siyam ou c'est mieux de délaisser, prendre la rukhsa, la facilité? Wa hakadha al-marid. Al-ulama ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. On l'avait détaillé ensemble, ou avec d'autres ikhwan, fi sharh 'umdat al-ahkam. Al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, fi 'umdat al-ahkam, il a cité plusieurs ahadith. Wa minha hadith Aisha radiyallahu anha, أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ Est-ce que je jeûne في السفر؟ Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصيام. عمرو الأسلمي رضي الله عنه il aimait faire الصيام, il faisait beaucoup الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Si tu veux, jeûne, et si tu veux, tu ne jeûnes pas. Il lui a laissé le choix. Al-hadith, il est fi sahihin. كذلك, il a cité hadith Anas radiyallahu anhu. قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. Anas radiyallahu anhu, il rapporte أنهم à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, quand ils voyageaient, certains ils faisaient الصيام, et d'autres ils ne le faisaient pas, ils ne faisaient pas الصيام. Et نستفيد من قوله فلا يعب الصائم, أي celui qui faisait le jeûne, il critiquait pas celui qui mangeait, et celui qui mangeait critiquait pas celui qui faisait الصيام. هذا الأدب il est مهم. أن si un مسلم il est مسافر, même si c'est pas difficile, il a le droit de manger, boire, etc. فلا يجوز الكلام فيها والطعن فيه, l'accuser ou il est passé en ou il est passé, c'est une rukhsa min Allah, fa yajuz lah de manger fi hadha al-hal. Le dernier hadith qu'on cite هنا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. Ils ont voyagé avec le prophète صلى الله عليه وسلم في رمضان et il faisait très chaud. حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر tellement qu'il faisait chaud, فبعض الصحابة رضي الله عنهم ils mettaient leurs mains sur leur tête pour se protéger du soleil. وما فينا صائم, personne a jeûné إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. Prophète صلى الله عليه وسلم et عبد الله بن رواحة رضي الله عنه, il y a que les deux que qui ont fait as-siyam radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ça nous montre hada anna quand c'est difficile wal insan la yaqdir, il fait pas as-siyam. Amma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa Allah subhanahu wa ta'ala il lui a facilité, et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu il avait de la quwwa, et Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa. Amma si c'est trop difficile, fala yasum al-muslim. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان في سفر صلى الله عليه وسلم وقد ضلل على الشخص, أي un homme s'est évanoui, فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا, il a demandé pourquoi هذا الرجل رضي الله عنه s'est évanoui, فقالوا صائم, ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم il jeûne. Alors qu'il faisait chaud, c'était difficile. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. Ça fait pas partie de l'bir, de la piété, jeûner في السفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أي prenez la facilité que Allah سبحانه وتعالى vous a donné. De tous ces hadiths, on déduit أن بعض العلماء ils ont dit c'est mieux de faire الصيام. et se sont basés sur les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait siyam en tant que voyageur. D'autres savants ils ont dit vaut mieux ne pas jeûner. Ils se sont basés sur le hadith laysa min al-birr as-sawm fi as-safar. Wa al-qawl as-sahih c'est at-tafsil. Si il y a une facilité, ce musulman il ressent une facilité et il n'y a pas de difficulté, fa fi halihi c'est afdal as-siyam. Akhdhan bil azim. Et s'il y a une difficulté, fa al-afdal c'est de délaisser. C'est ça al-khulasa. Hada at-tafsil il est tayyib. Celui qui peut, il a il ressent pas de gêne, fa afdal fi as-siyam. Et s'il ressent une difficulté, c'est difficile, fa al-afdal il prend ar-rukhsa, la facilité. Wallahu a'lam. نكمل هذا الباب قال ومن أفطر لعذر والمريض ça ressemble au musafir. S'il est malade et il ressent pas, c'est pas difficile à siyam, il est chez lui, il est pas gêné par la chaleur. Mathalan c'est en hiver, la durée de siyam elle est courte et il est malade, lakin en siyam ça lui fait pas de mal, ça le gêne pas, il y a pas de difficulté. ففي حقه أفضل أن يصوم. Et si c'est difficile et ça aggrave sa maladie, فلا شك أن لا يجوز له الصيام. كيف يبقى الصيام في هذا الحال؟ قال ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. Ce dernier point, il a cité une mas'ala importante. أن هؤلاء, qu'ils ont un عذر, أهل الأعذار, ils sont excusés, إما par la maladie, إما la femme, la الحيض أو النفاس, إما السفر. فإسك سي cette cause, هذا العذر, إذا انقطع في وسط النهار, فهل يصوم بقية اليوم؟ On donne un exemple. Al-Musafir, il est excusé. S'il voyage, il a le droit de manger, il a akhiré comme at-taqaddam. S'il revient du voyage, après Dhuhr, مثلاً. Est-ce que, après Dhuhr, il est résident, il est muqim, فهل يصوم إلى المغرب؟ هكذا الكافر. مثلا كافر يدخل في الإسلام après الظهر. Est-ce qu'on lui dit de jeûner jusqu'au maghrib alors qu'il n'a pas commencé? وهكذا المريض. Il était malade le matin et après الظهر il est plus malade. Est-ce qu'il fait الصيام jusqu'au maghrib? هذه المسألة العلماء كذلك اختلفوا فيها. بعض العلماء ils ont dit يصوم بقية اليوم يجن. لماذا؟ لأن on est dans une période où الصيام il est obligatoire pour tout le monde sauf celui qui a une excuse. Et هذا il a plus d'excuses. فبعض العلماء قالوا l'excuse elle n'existe plus donc il doit jeûner comme les autres. بعض العلماء قالوا لا لا يجب عليه الإمساك. لماذا؟ لأن الصيام c'est une عبادة من الفجر إلى المغرب. أما هو il est excusé au début donc il est excusé jusqu'à la fin, jusqu'au maghrib. والصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح الممتع الى cité cette مساله قال واما الامساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب. C'est l'explication de زاد المستقنع. Et صاحب الزاد c'est un حنبلي المذهب. Et المذهب الحنبلي يرون أنه يجب عليه الإمساك. الحنابلة يقولون que c'est obligé si il est revenu de voyage après الظهر qu'il jeûne du الظهر jusqu'au مغرب. Et il rattrape ce jour القضاء كما قال شيخ الفوزان. Et شيخ الفوزان كذلك il a choisi ce قول. هؤلاء يقولون أنه il jeûne cette partie. لماذا؟ لأن il est dans un moment في رمضان en pleine journée أنه c'est interdit de manger sauf pour celui qui a une excuse. Il n'a plus d'excuse. فيصوم. Et il rattrape. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi il a cité donc l'avis de Al-Hanabila ثم قال لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزواله بزوال علته. Ils avaient un حكم à part. لماذا؟ لأنهم ils avaient une excuse, la maladie, le voyage, الحيض أو النفاس. Et si cette cause, elle n'existe plus, donc la rukhsa kadhalik, il doit jeûner. Ça c'est un qawl. قال لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات ولا يستفيدون نعم ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يتفق مع هذا القول إيش الصحيح يقول on répète ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا لكن هم أصحاب القول الأول يقولون ce moment il a une hurma. On est fait Ramadan et avant le Maghrib, il y a juste de manger, de boire, sauf s'il y a une excuse. قال شيخ ابن عثيمين وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. هم ils sont excusés. لماذا؟ لأن cette période où on n'a pas le droit de manger, في الحقيقة c'est du Fajr jusqu'au Maghrib. Vu que tu as une excuse une partie de la journée, ton excuse elle est valable toute la journée. فلهذا il a cité une قاعدة نافعة. فقال رحمة الله عليه هو القاعدة. Et ça c'est une règle qui va être utile dans tous ces points, que ce soit pour le malade, que ce soit le kafir s'il rentre fait l'islam en pleine journée, que ce soit si la femme n'a plus le haïd. مثلاً تطهر après le dhuhr. Après le dhuhr elle se rend compte qu'elle n'a plus le haïd. وتغتسل. Elle fait salat. Si c'est après le dhuhr elle fait salat au dhuhr. ثم elle fait salat العصر إلى آخره. لكن الصيام لا. Pourquoi on a une règle? قال شيخ ابن عثيمين والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر. Celui qui n'a pas jeûné لأنه il a une excuse. قال ثم زال ذلك العذر. ثم cette excuse elle est plus valable. Ou elle n'existe plus. مثلا il est revenu de voyage. Ou la femme elle est pure. Elle a plus le haïd ou le nifas. قال أثناء نهار رمضان لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. لماذا؟ لأن الصوم c'est une عبادة من الفجر إلى المغرب. C'est pas qu'une partie. Si t'es excusé une partie, t'es excusé pour toute la journée. Si t'as la qudra toute la journée, tu dois faire الصيام. هذا هو القول الصحيح والله أعلم. فقول الشيخ الفوزان حفظه الله مرجوح الراجح. C'est le qawl qu'il a cité chez Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Baqiya, une mas'ala, qala à la fin, fa inna al-muslimin, ou qabla dhalik, wa kada idha qamat al-bayna bi dukhul al-shahr fi atna al-nahar. Cette mas'ala, fi al-haqiqa, elle est différente. Hadhi la mas'ala, anna, aujourd'hui, mathalan, wahid, il a vu al-hilal le matin, ou l'après-midi. Est-ce qu'on doit jeûner Amla? Ça ressemble aux autres. Lakin, il y a une différence. Les mâles. On répète son kalam awwalan. Wa kada idha qamat al-bayna bi dukhul ash-shahr fi atna an-nahar fa inna al-muslimin yumsikun. Si on est informé, mathalan, à 11h du matin, annahu c'est le mois de Ramadan. Wahid, il a vu al-hilal. Fi hadha al-hal, jami' al-muslimin, ils doivent faire al-siyam. Amma, dans les cas précédents, on a dit là. Pourquoi? لأنه il avait un udr au début de la journée. Amma fi hadha al-hal, il n'y avait pas de udr. C'était l'ignorance. On ne savait pas. Vu qu'on a su, nasum. Qala Ibn Hazm, rahimahullah, il a différencié, et c'est le qawl sahih. Naqra min Fath al-Allam, il a cité cette mas'ala, waffaqahu Allah, qala wa amma qiyasuhum ala علم على من علم بالهلال أثناء النهار فقد أجاب ابن حزم بأن هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار. فالحقيقة هؤلاء مثلا نو si on s'est aperçu que le mois de Ramadan il est rentré à 10h du matin, إما رؤية الهلال إما on peut citer un autre cas. T'as travaillé, tu savais pas, t'as travaillé la nuit, ثم tu dors après le Fajr et t'as vu personne. Tu n'es pas parti au masjid et tu n'as vu personne. Thumma, tu as mangé la khalif al-sabah. Wahid, il t'informe à 11h que Ramadan, il est rentré. C'est Ramadan. Anta, tu ne savais pas. Est-ce que Ramadan, il est obligatoire pour toi, min al-fajr? Naam. Léana, tu es un musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala amra jami'il muslimin de faire siyam. Fa fi hadha al-hal, c'est obligatoire de jeûner pour lui. Il n'a pas d'excuse. Lakin, il ne savait pas. Donc, son cas, c'est le cas de l'ignorant. Le fait qu'il a mangé, la ithm alayhi, il était ignorant, lakin yajib alayhi siyam, depuis qui sait. Mathalan, il a su à 10h du matin, fayasum. Est-ce qu'il rattrape ce jour-là? C'est une autre mas'ala. Qala falamma zal mani'a at-taklif, lam yudrik waqt al-ibada ila akhir. Fal qawl ar-rajih, c'est هذا انه يصوم. Est-ce qu'il le rattrape? فبعض العلماء يقولون il le rattrape, بعض العلماء يقولون لا. والأحوط كما أفتى بعض العلماء أنه يرتخب. C'est أحوط. أي pour sortir du خلاف. لأن هناك خلاف كبير بين أهل العلم. لأن ce مسلم il a pas fait الصيام depuis le début. Alors que الصيام c'est من الفجر إلى المغرب. مفهوم؟ Est-ce qu'il le rattrape? Il le rattrape. لماذا؟ لأن الصيام il faut النية. Et هو il a mis la النية bien après. كذلك الصيام c'est من الفجر إلى المغرب. فpour sortir de ce خلاف الأحوط c'est de rattraper ce jour. هذا. وإلا فالذي يظهر أن في الحقيقة في الصيام il est concerné par l'obligation du moment qu'il sait. Il a su à 10h du matin. Et في الحقيقة il a pas eu de naqs. Il savait pas. Personne lui a dit. لكن بعض العلماء يقولون أن tu rattrapes ce jour. لماذا؟ لأنه c'est 15 jours. C'est سهل. Rattrape-le pour sortir du khilaf. Walhamdulillah. Et الصيام فيه خير. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه من النار 70 خريفا. Celui qui fait الصيام un jour لله عز وجل, Allah il éloigne son visage de l'enfer 70 خريفا, 70 ans. Enfin, tu mets cette niya et tu rattrapes ولله الحمد et tu seras à la خير. نكتفي بهذا. Et le prochain درس inshallah, s'il y a des rajouts à faire, on rajoutera. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.